إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si nous avons une question, chers frères et sœurs, cette forme est une différence qui est née entre Coran et Hadith. Cette forme est une différence. Alhamdulillah, nous connaissons beaucoup de différences. Qu'il y soit, ayat Coran, nous lié dans salat, dans namaz, Hadith, nous allons lire comme c'est. Ayat Coran, puis descend à travers Jibril, alayhi salam. Il y a les mêmes comme ça. Parmi les différences essentielles qui est là, fondamentales pour un celui qui est là, iman, les bisins connaît, c'est qu'on nous dit, bien, qu'on nous dit, Allah nous dit. Vous connaissez qui vous a suivi là? C'est un ayat Coran. C'est un ayat Coran. Comme on peut dire, Allah indir. Ça qui vient après là, les bisins, un ayat Coran. Deuxième point, c'est les bisins, comment ayat là était dans le Coran. Les bisins, comment ayat là était. Soit me dire de traduction, un ayat. Bon, fini, arrêtez de lui-même. De traduction en ayat, de signification en ayat, et une place de Coran que Allah peut dire nous, dans sa signification, vous précise ça. Vous n'avez pas le droit de dire Allah indique le Coran. Ensuite, vous amène vos propres mots. Chef Résistant, de une action grave. Parce que quand nous pouvons dire Allah indique, c'est quoi ça? C'est ayat Coran. C'est pour ça. Le début, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin empêche ce ban sahaba écrire d'autres, excepté ayat Qur'an. Ce ban hadith, il dit, non, écrire juste ayat Qur'an. Pas écrire ce parole. Parce que ce parole lit, différent ça, divine, en tant qu'il y a un hadith, je précise que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut causer devant lui et n'a commis sahaba. Effectivement, il ne vous dépend. Quand il dit de faire Hijra, combien de sahaba est avec lui? Un seul, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Quand il peut sortir de la nuit, nous trouvons Hadith à nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu. Nous connaissons ces trois divins là. Mais quand il peut dire nous, Wakana yaktubu binnas, il peut faire khutbah avec ban divins, veja il peut causer. Combien de divins pour là? Comme les sahaba pouena. Ou bien quand le hadith tape dit nous comme ça, wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hajj. Quand il dit au hajj, connaît combien il y en a? C'est environ 140 000 sahaba. Environ 140 000. Qui nous fait comprendre pas ça là? Nous fait comprendre pas ça qui est dans l'occasion quand il prend la parole, et dans ce sahaba devant lui, sahaba l'a mis avec lui, il dit, comme ya Rasulallah, conseille-moi. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dire, Mohamed Iman loi Allah, ensuite il est firme. Un tel sahaba me pose une question. Il est dans la parole là direct. Est-ce qu'il est capable d'oublier quelque chose à une cause en lien direct? Quand il cause avec des sahaba, est-ce qu'il est capable d'oublier là? Un a oublié, l'autre a rappelé. Mais quand il fait une cause avec un lama, et n'a mis lui, comme on dit, de Hajj, 140 000 sahaba. Je joue des vendredis quand il fait une faire khutbah. Combien de sahaba il y a? Chers frères et sœurs, tout sahaba pas du pareil. Tout sahaba pas du pareil. Et là, sahaba, nous t'annonçons dans hadith, en dans hadith là. Et non pas comme celui qui rapporte hadith. Il va rapporter hadith, c'est. Pourtant, quand l'action-là, tu prends place, tu es là, oui, non. Pourtant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu causais, il est là, oui, non. Il est là. Mais je n'ai pas rapport à des faits. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son dernier l'armée qu'il y dressait pour la guerre, il met un zénith 16 ans, Oussama, radiallahu anhu, à la tête. 16 ans. 16 ans. Dans sa l'armée-là, il y a qui ça là? Il y a Abu Bakr, radiallahu anhu. Il y a Omar, radiallahu anhu. Mais seulement, il met sa zénith à la tête. Sa prophète-là, il peut marcher, il vient avec Abu Dhar, radiallahu anhu, il pose la main sur ses épaules. Il dit, il y a Abu Dhar, la tas'al anil imara. Pas de man imara. Imara, c'est quoi? Amir, veut dire pas de man pour devenir à la tête. De un endroit ou bien quelque chose. Pas inna karadulun d'arif, t'en dis mon te faible toi. Mais qui veut dire ça, Abba, là? Pas de man pour devenir un amir dans une place. Il a dit, t'es faible, toi. Faiblesse dans quoi? Faiblesse dans quoi? Quand dernier ayat de Sourate Tahrim descend, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, « Wa man yuqridullaha qardan hasanan fa yudwarifahu » Et c'est lui qui amène un qard, un loan comme ça, lui donne Allah, veut dire, il fait la charité, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie ça. Ce sahaba-là, t'en t'a dit, « Ya Rasulallah, foutu du monde » Il a dit, oui, pour tout le monde. Il a dit, il y a Rasulallah, moi, il y a 600 vers des dames. 600. 600. Moi, il y a 600 vers des dames. Il y a Rasulallah, vous donne tout le chemin à Allah. Là-bas, qui est le prophète, il dit, il y a dit, vous êtes faible. Ici, qu'il veut faire? Est-ce qu'il y a une contradiction là-dedans? Non, cher frère. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il y a une dimanifère d'administrer. Il va connaître. Il ne faut pas nous penser, dit, mais imam ça, ou bien ça qui peut causer, la cause est bien causée dans l'indie, veut dire qu'elle est une présidente mandite, ou mandite fermée. Parce qu'il n'y a pas qu'une administration, un débat d'erreur capital qui nous fait. Nous pensons la cause de l'imam, dit qu'on le Coran, pour qu'il, machallah, nous donne finance de cela. Fini. Il ne faut pas qu'on ramasse cotité, il ne faut pas qu'on gère, sinon rien. Mais où mettre fait imam, machallah, dit mon tard, dit bout 15-20 minutes pour déhier. Mais au donner une cornée, cotité, eh bien, mais quoi ça signe là-dedans? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec sa sahaba-là, t'as fait côté administration, mais côté bonne action, du présent oui non. Chaque sahaba, cher frère, il a une particularité dans eux. Il a une qualité dans eux. Donc, quand arrive lui pour servir sa qualité-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam servit lui. La guerre ahzab. La guerre Ahzab visionne ça un moment dans la tête. Il y a une nouvelle bande, Quraysh peut descendre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donne l'autre, fouille une tranchée. Fouille tranchée autour de Madina. Tranchée là, nous avons une idée qui était ça là. Nous avons été pont contre l'hôpital, comme a été, 4-5 fois plus fond que ça. Pour bien fouiller le plus grand qui s'en coule. Ça prophète que ce bande sahaba prend combien de jours de fouille ça. Quand Banna vini, faudrait si un kiken saute là-dedans avec son cheval. Son cheval n'est pas qu'à remonter là-bas. Si il descend là-dedans avec son samo, il n'est pas capable, il n'y a pas qu'à remonter là-bas. Il reste endormi. Ça fondait là qu'il fouille ça là. Ça la guerre tranchée. Banna n'a pas qu'à venir plus qu'il s'aspire. Chers frères et sœurs, arrive la nuit, sa prophète là, debout pour Mitchell Van Sahaba, lui dire, Allah Rajulun. Yati bi khabar al-qawm. Li vin avec khabar, nouvelle, al-qawm, ban kilabala la. Kone ban la kilabala qui est arrivé là? Zone fait 25 jours pour sa mort. Zone saute ma case, zone vin pour attaquer la zone. Ou petit ni zut là. Mazin ou je gagne un seul parmi vous. Qui se fait? Un seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce man sahaba, moi besoin un parmi zut, à l'écoute qui ban la peut dire là-bas. Connaissez ça là? Descendre de sa trou là, morcer, relever, monter. Qu'est-ce qu'on doit monter là-bas? Aller écouter. Ensuite, tu retournes et tu viens dire qui va nous dire là-bas. Si tu vas nous dire, allez! Chers frères et sœurs, parmi vous connaissez ça, Omar radiallahu anhu. quand nous avons une remarque, qui vient de nous latter. Mais seulement dans ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Koum ya Huzaifa, ittini bi khabar al-qawm. » Levez Huzaifa, allez à cette nouvelle-là. Il y allait, dans celle-là nuit, il y allait coup de banane, il retournait, il y a qu'au vivant. Huzaifa radiallahu anhu. Chers frères, si tu de nous choix là, qui font des remarques, allez. Mais qu'est-ce qu'il y a qui allait? Qui fait? Parce que qualité qu'il tient dans lui, une qualité qui est différente avec Banna, il n'est pas pour laisser emporter ou tu es capable d'avoir une remarque, disons. Mais seulement si tu as une banane à cause de prophétie, tu finis sauter oui non. Mais vous avez pas de quoi te calmer. Il vient prendre nouvelle, lui. Imaginez-nous avoir un dimoun qui le prophète, il y a une mot qui est sur sable, il dit celui qui est le prophète là, une mot qui coupe sur le cou. Ou tu vois avoir un dimoun là-bas, mais voilà, tu finis connaître avoir quelqu'un pour écouter. Mais avoir Xana. Vous avez parlé de Allah. L'eau sauter, l'eau pour remonter, écouter, même quand c'est banal fait provoquer, il est retourné à mes nouvelles-là. Les gens nous quittent ça, que ça a bien à ça, oui, non. Oui, cher frère. Pareil comme ça même, si ça nous fait trop de qualité. Mais qualité, une personne, pareil, pour nous tous différents là. Pareil comme ça même, l'eau nous compréhension, l'eau nous mémorisation, nous tous différents. Si pour nous différents, ben Sahaba, c'était ben insan. C'était pas un insan. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala vient d'un jeu d'un fadl, un faveur. Je viens d'un sahaba. Mais c'est moi d'un insan, oui, non. Si mon récit comprend ça, de là, alhamdoulilah, on comprend beaucoup de choses concernant mon dîme. C'est quoi? C'est comment se fait-il un seul hadith rapporté par plusieurs qualités mots de différents places? Un seul hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois l'y causer, l'y dit avec ce bantah, « Ah bah, cherche protection contre ça, contre ça, contre ça, contre ça. » Devant lui, il y a environ 500 sahabas, il écoute ça, hadith. Tous les 500, ils captent bien comment il dit ça, là. Ou bien, ils captent, ils ont fini oublié. Ils captent, mais seulement, il fait comment oublier, mais il connaît un peu ça, mot là, ça. Il prend place, c'est pas un mot qui est plus facile pour lui. Comment il fait arrive ça? Chers frères et sœurs, c'est là qui différence ça, Vini. Un hadith, nous gagnons droit à mener d'après l'autre mot, qui mot que le prophète nous dit. Nous gagnons droit à mener un hadith. Dans un autre mot. Mais Quran, ça ou pas gagner droit à faire. Ça ou pas gagner droit à faire. L'exemple, ce hadith qui est avec nous, donne-nous la main là. Quand nous guettons ce hadith là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qadr. Oh Allah, je cherche protection avec toi contre. Punition, Qabar. Azab al-Qabr. Mais, semaine passée, alhamdulillah, quand nous tiguez l'autre hadith, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam avant. Ici, il finit dire azab al-Qabr. Mais comment ça? Dans différentes situations? Oui. Il est possible dans différentes situations, le prophète dit ça. Il dit, non, il y en a deux. Ou, s'il est dans une seule situation, où gagne la différence, l'eau, c'est lui qui rapporte hadith. L'intani comme ça, chef frère, d'oublier un mot là-dedans, d'un rapport, ça qui lui rappelle. Ça n'est pas venu dire jamais. Un problème, quand un ticket amène un hadith, vous trouvez les ban mot là de sa façon-là. Un autre amène un même hadith, rapporté par même du monde, mais seulement ban mot là qui est déplacé. Jamais c'est un problème de nous dire ça. Excepté un kiken qui veut dire envie faire un travail chez toi, veut dire faire soit ça de nous la tête, de nous quest ça. Trouvez là, ton prophète il cause un seul coup. Un coup de dire ça, un coup de dire ça. Mais finalement, rien dedans. Parce que ça qui te peut dire là, c'est pas prophète là, sa parole directement là. C'était quoi? C'était ça qui te sahaba là, il entendait les lignes d'une rapportée. Donc quand un kiken peut dire nous comme ça, de parole le prophète est là, quelque chose qui va dire parfois il dit un, parfois il dit l'autre. Ça qui n'a pas le bon conflit. Jamais il dit comme ça. Jamais il dit comme ça. Mais qui fait? Parce qu'il colline causé, c'est lui qui ne rapporte ça, qui n'a allé. Là, là, là. Parmi nous, là. Quand nous allons la case. Combien parmi nous, Dieu? Qui a dit une cité là? Nous venons oublier. C'est normal, ça. C'est normal, ça. Qui fait moi, mon examen de livre, là? Moi, tu as fini de lire la case, moi, là. Qui vous dit, attends, moi, je vais finir de lire les. Fini oublier ça. Il dit insan ça. Insan dérivé du mot quoi? Insan. Nasiya. Nasiya qui veut dire en arabe. Oublier. Oublier, chers frères. Sa nature, insan ça. Mais ben sahaba, c'est pareil. À aucun moment, quand nous trouvons un hadith, surtout le Endora, ou bien le n'importe qui nouvelle, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous, nous trouve, comme à dire, ici, les fins dire, plus, cherche protection contre 5 petites choses. Là-bas, il y a 5, cherche protection contre 14 petites choses. Là-bas, il y a une punition kabar avant. Ici, il y a une punition l'enfer avant. Tu vas dire, mais comment ça? Mais Pénan n'a rien là-dedans. Pénan n'a rien là-dedans, chers frères et sœurs, excepté qui tout, les vins depuis, ban sahaba que je fin tanni, les temps autres rapportent li, mais nous, nous cause 400 ans de cela. Les temps, ça n'a rapporté ce tabirine. Tabirine a rapporté ça avec une autre personne. Ça, l'autre personne, elle est là, elle dira avec l'imam Bukhari. Les temps, il y a les comme ça, pour venir jusqu'à nous. Comme il y a quelqu'un pour capable de capter li à 100%. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire? Est-ce qu'il est possible, chers frères? Donc, nous, qu'est-ce que ça a dit qui est avec nous là? Mais là, donc, moi, nous fin dire, nos buts c'était quoi? C'est qu'il donne à Mars mon envie qu'on endoie, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finançait moi pour chercher protection contre Dajjal. La donne nous vous trouvez, malgré qu'il commence à nous finir, nous pas trouver finition, Jahannam, l'enfer, ou allez? Ou allez? Ou vous gagnez un livre de droit, ou vous trouvez un hadith qui cite finition l'enfer. Mais si un dimoun y a ajouté finition l'enfer là dans ce hadith, est-ce qu'il y gagne droit? Que ça a dit, ça a bien payé. Moi, Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. Non. Moi, vous l'avez dit, Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam. Ou min azab. Alors, je veux qu'on dise ça de Allah, comment il était là. Est-ce qu'il me gagne droit? Sans aucun doute, chef, frère, il gagne droit. Un croyant, il gagne droit, zoin des paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'agit d'un doigt, il zoin tous les deux ensemble, il fait, il gagne droit. Une personne, quand il connaît, il a des doigts, lié dans le même plat, veut dire invocation, il joint tous les deux ensemble et il lit, et il lit, et il lit. Ça, c'est droit. C'est pour ça qu'on nous guette, avant de nous faire salam, tout ça, ben, doigt là peut venir, oui non. Ça, ben, doigt là peut venir. Donc, est-ce qu'il nous gagne droit, amène plusieurs doigts, nous joignent ensemble? Oui, chers frères et sœurs. Une personne ni il gagne droit, faire lit. Là-dedans, quand nous guette, doigt là, Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. Ça, alhamdoulilah, il y a assez direct. Bédien nous peut trouver la personne avant. Il fait salam, il fait chercher protection contre punition. Kabar, wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal. C'est ça le point là. Nous gagnons devant les autres droits, alhamdoulilah, mais fitna. Fitna, comme nous finissons dire, c'est ban quelque chose qui dévie un djimoun. Il y a amené de désobéissance. Bédien, djimoun n'a qu'un seul pour capable de finir. Mais arrive un moment, l'église, oui non. Arrive un moment, l'église. Paul, il prend sa question aux trop léger. « Wa a'udhu bika min fitnatil mahya. » Hay. Hay veut dire vivant. Mahya veut dire dans la vie. Et ça, il y en a beaucoup. Et ça, il y en a beaucoup. Fitna qui vient là, moi, il n'y a pas pareil comme fitna qui vient là, sa frère là. Fitna qui vient là, sa frère là, il n'y a pas pareil comme fitna qui vient là. Ça, pour chacun, il est différent. Oui, j'ai vrai. Il y en a des gens qui sont capables de trouver lui. Dans n'importe quelle façon, mais seulement ce fitna, ses enfants. Ses enfants. Mashallah, il est dévoué pour dire, ni même d'un azan fajar. Mais seulement, comment ses enfants demandent quelque chose. Il n'est pas réussi à comprendre qui. Ça, qu'ils enfants-là veulent demander ça, pas bon ça. Pas gagner droit ça. Ce fitna, ce fitna. Ou l'infini brille étapes enfants, ce fitna, on connaît qui nous venir faire, ce petit enfant. Cause tu pas cause ce petit enfant. Comment ces enfants-là demandent quelque chose? Dada nana n'est pas là. Il n'est pas même guetté. Est-ce qu'il est capable ça, possible ça? Là, nous pouvons causer un petit guide en avance dans quelques mois, parce qu'il nous connaît. Pas même demander, yo, qui est vrai? Nous tous connaissons ça plus bien là. Pour la Coupe du Monde, non? Est-ce qu'il y a des vidéos, oui, non? Est-ce qu'il y a des vidéos? Imaginez-nous, moi, dada, mon petit-enfant vient avec moi. Dada, demande à Sophie, oh. Qui t'a offert, c'est là? Moi, il t'a le fond. Dada, là, qui vous dit? Vous connaissez ça, 10 roupies, vous avez des manos là. Et c'est ça qui dit qu'il fait avec vous là, et au premier 6 enfants ça. Dada, demande 10 roupies. Un seul, moi, c'est un seul là. Moi, je m'en vois qu'un badge. Qui vous fait là? Ce garçon capable de venir d'une manière, il a besoin de 1000 roupies, il a refusé. Mais ça, 10 roupies là, il a glissé, oui, non. Ça fit dans la chef. Ça fit dans la là. Ça fit dans Maria. Quoi nous dire, un quelqu'un qui a fait dans les enfants? Mais seulement ce fitna qui n'a pas vu, car oui, Comme à l'élever grand matin, travail jusqu'à 14 heures. Parce qu'il y a des enfants, il y a les mêmes comme ça. Pour chaque personne, il est différent. Mais seulement, ou a fit natil mamat. Mais pour moi, nous voyons, qui fit naïna? Qui fit naïna? Nous prenons un petit guide de loin. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui Shaitan il dit, bon, pas pour qu'il y ait Adam tranquille aussi longtemps qu'il se roue en donné. Aussi longtemps qu'il nous roue en de nous, être sûr, Shaitan, pas pour croiser les bras avec nous, chers frères. Par quoi, on va directement on finit faire leçon, allez, machallah. Shaitan, je dis, ça va, car on dit, machallah. Au contraire, il y a le renforcement des divinités. Faut des pas me penser, on dirait que moi, on finit, écoute les sons, moi, allez, il m'en a pour, moi, de haut, machallah, quand matin, nous levons, Fajal, Inch'Allah. Oui, comment tu as Fajal, même quand matin, il brûle toi, là. Parce qu'il roule encore dans nous, oui, non. Mais, il vous travaille. Il vous travaille. C'est pour ça que Hassan al-Basri, rahimahullah, lui dit, là où nama shaitan, là où j'ai dans raha. Si shaitan, tu dis, de haut, bien, tu dis, ça ne joue pas une tranquillité. Ne joue pas une tranquillité. C'est pour ça, nous restons vraiment de penser, là, reste aller de nous la tête comme ça. Tout pareil, hein, celui qui peut causer, celui qui peut écouter, tout pareil. T'as chaud quoi quand tu dis comme être bonhomme, ça allait, moi, ça fait. Tout pareil, là. Il reste tourné dans la tête, là. Tout ça va ne penser, là, ce que moi. Qui fait? Parce qu'il reste travaillé, pas dormi. Nous, t'allais dans le dormi. Pas dormi, lui. Il n'est pas dormi, lui. Quand on trouve un quelqu'un levé, il n'est pas gagné sommeil. Mangez-nous, il n'est pas fait gagner sommeil, là. Dans place, il pourra le dire. Pas fait gagner sommeil, même si pas moi, le dire. C'est bien, écoute, là, tu les comptes, tu peux donner. Ouais. Parce que ce n'est pas une guerre de cadeau, ce que tu comment est-ce que tu penses que tu fais que tu parce que, bah, l'autre là, tu peux dormir. Comment est-ce que tu fais attaquer en place? Ça, nous prenons en général. Je préfère être sûr que quand arrive, ça a l'air quand une personne se roupe et quitte sur l'écho, il gagne plus grand l'attaque chaiton qui est dans l'autre. Aujourd'hui, je me trouve, et dans dit, je glisse, je commets tel péché, je glisse, je fais tel péché, je redemande pardon, je refais. Je trouve ça là. Je me trouve moi coupable. Mais plus grand l'attaque là, on connaît quand ça? Pas seulement le péché qui m'a glissé là. Plus grand l'attaque là quand? Quand? T'as roulé après petit moi. Là, il y a ta bien. Ça fitna là. Ça fitna là qui était là. Quand il y a nous fitna qu'il m'amad, c'est sa tête qui Shaitan vini comme un embellissement. Si ça avance à rouler, quitte-moi les cours. Mais là, attention. Une personne, il ne faudrait pas y penser que c'est sur l'intelligence qu'il faut signer. Parce que l'esprit bloqué, allez là. Il ne faudrait pas y penser sur la force qu'il faut signer, allez là. Non, parce qu'il est possible, moi, avec ses rômes, moi, de commun, etc. Qui faut signer, mon cher frère? C'est Iman. C'est ça, Iman, qui protège. Donc, si un démon y habite, l'yali, mais dire à chaque fois, alhamdoulilah, il cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qu'il vous trouve ce résultat devant lui. Et à la fin de cette dua qui est avec nous là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham, ma'tham. Mim, alif, au fait, il y a un hamza là-haut, c'est mim. Ism, ism veut dire péché. Ism. Alif, un hamza en bas, c'est mim, il veut dire péché. Waman yaksib isma, c'est lui qui garde dans le péché. Il veut dire même s'il fait un péché, il ne demande pas pardon. Il dit non, Inch'Allah, quand Ramzan, il ne demande pas pardon. Révasse tout un seul coup. Inch'Allah, dit comment on fait Hajjara, ça. C'est lui qui garde sa main de péché là comme ça. C'est une mauvaise action. Chers frères et sœurs, ici, Al-Ma'tam veut dire tout bon petite chose qui amène moi pour tomber dans le péché. Mais ça, il va. Et si nous guettons, il n'est capable de un autre mot, c'est fitna même. Ensuite, de dire Wal-Mahram. Al-Mahram, c'est des. Al-Mahram, c'est des. Donc, c'est un des bandes qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous pour une personne qui saute de cette situation-là. Il cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre. Donc, quand nous guettons ça de Allah, chers frères et sœurs, nous venons dire, nous n'avons pas trouvé une mention Jahannam là-dedans. Mais comme on lit, le fait qu'il me connaît une punition, Radab, Jahannam, Allahumma inni a'ud, est-ce qu'il me capable d'ajouter ensemble? Oui, chers frères, je suis capable d'ajouter ensemble. Mon vie cherche protection contre la paresse, Al-Kasal. Mon vie cherche protection contre la tristesse, Al-Hazan. Mais vous êtes capable d'ajouter là-dedans de radio, voilà là. Oui, j'ai vraiment ajouté. Donc, avant de faire ça là, je commence. Voilà, protège-moi contre punition cabale, punition l'enfer. Protège-moi contre la tristesse. Protège-moi contre la chagrin. Protège-moi contre la paresse. Je me reste demandé, mais moi, allez. Mais seulement ça qui tient avec nous, chers frères et sœurs, c'est deux points. Un, c'est fitna qu'il m'a dit, il t'a dit. Je cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre ça. Et deuxième, c'est concernant fitna al-mahriya, ça l'éclaire, mais surtout fitna al-mamad, ça fait ce qui vient quand chacun parmi nous puis arrive étape qui nous repéquite, péquite nous les cours. À partir de là, chers frères et sœurs, si nous cherchons protection avec fitna al-dajjal, al-masih al-dajjal, qui fait les fingers de nous al-masih. Parce que là-bas nous gagnons Al-Masih ou Isa ibn Maryam. Et ici, Pédianou, Al-Masih ou Dajjal. Et comment ça? C'est un titre? Oui, c'est un titre. Mais un l'un prophète, un l'un Dajjal. Pas lui comme un Dajjal, Dajjal même lui-même. Au fait, chers frères et sœurs, c'est un nom. On dit une qualité qui donnait. Quand nous guettons cette signification qui veut dire Alif Lam, Al, dirons de tout mot, pour nous définir. Min, Sin, Yehe. Ça y est qui vient avant dernier lettre là, c'est un Yé nous ajouté pour nous rester Al-Masih. Donc qui est-ce qui restait? Mim, Sin, He. Mim, Sin, He, Masaha. Je vais dire mon passé. On va dire nous passer la main, nous suivre, etc. Masaha. Pareil, comment nous dire la tête qui nous fait, quand nous fait Wazou. Nous fait Massa. Nous va dire nous faire Massa. Au fait, c'est ça même. Yamsa, Rasahu. Nous fait Massa, nous la tête. Qu'est-ce que c'est l'action qui nous fait là? Quand nous fait Massa, nous trappe la tête là, nous vous savez là, ou bien nous passons la main là comme ça. C'est ça. Quand nous guettons Isa alayhi salam, pour même une qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala te donne, chers frères et sœurs, c'est. Quand un quelqu'un qui gagne la lèvre, par l'eau d'Allah, comment il s'y fait? Il va se lamer à Allah, subhanahu wa ta'ala, guérison, oui, non? Chers frères et sœurs, comment il finit à rendre ses oiseaux-là avec la terre, les dents les souffler? Il vient vivant, oui, non? Là qu'il gagne sa nom-là. Al-Masih, oui, c'est Ibn Maryam. Parce que quand il fait Masaha, ça te fait venir un miracle, oui, non? Ça te fait venir un miracle. Là-bas, Dajjal, comment il gagne ça, lui? Dajjal, chers frères et sœurs, il passe place côté. Partout une sec, des années sec, oui. D'ailleurs, nous finissons par en dire des prières, c'est la même. Parmi Bansi qui nous connaît Dajjal Pébini, c'est pendant 3 ans, pas pour une année, pour une année, c'est 3 ans. Quand nous faisons dire la sécheresse, là, sorry, nous ne disons pas pour une année, non, nous disons pour une année, sécheresse, sorry, nous ne disons pas pour une année, pour une année. Mais seulement, gros la vie quand c'est tombé. Il tombe l'eau la mer, pas de café dans l'île. Il n'y a pas de tombe à Rouva, quoi, qu'il tombe la ferme dans l'écolier. Pas de profit dans l'île. La vie va tomber, lui. Mais seulement, tout la vie quand il tombe, place qu'on ne prendra pas, ramasser. Donc, nous faisons face avec la sécheresse, oui, non. Et pourtant, nous guettons de nous utiliser la même comme il faut nous faire. La pluie fait tomber, on peut dire nous. On peut couper l'eau. On peut couper y aller même comme ça. Parmi Bansi, chef frère, c'est qu'il prend de 3 ans pour dans la sécheresse. Mais il y a une place pour finir sec, oui, non. Il y a une place pour finir sec. On nous dit avant le pied là, fini tomber. Quand Dajjal vini, il est passé, chers frères et sœurs, qui arrivait, pour tout revenir. Pour tout revenir, c'est un fitna là, ça. Vous connaissez ça, ou bien assisé, pendant 2 ans, 3 ans, trouve tout ça pied là, une mot, sec, fait une sec, bronze, une cassée devant haut, comme étant, on ne peut pas se balayer, et il est passé comme ça pour tout revenir. Dis-le au iman là, oui, non. Ça, c'est un fitna. Attention, ça c'est un exemple, Inch'Allah nous mettons sur un plus tard, mais seulement juste pour nous comprendre, qui fait les gains de nous Al-Masih. Parce qu'il y a aussi pareil, côté les Masaha, les songes donnés là, oui non. Les songes donnés là, chers frères. Place côté la pluie, papa est tombé, il est passé. La pluie est tombée là-bas, oui non. La pluie est tombée. Et il dit, Mouna, mais pas moi qui a là, l'eau. Donc, qui fait les gains à nous Al-Masih là, chers frères et sœurs, les dérivés depuis sa signification. Masaha qui veut dire, une passe, comment nous dire, faire ma face à la tête, Quand Dadi a passé en place, il change de comment il était, c'est de là qu'il gagne, ça nous là. Nous continuons, chers frères et sœurs, pour nous dire, parmi les petites choses clés qui nous bien connaissent, c'est Ibn Sayyad. Nous avons directement là-dedans. Parce qu'il dirait, c'est un point d'interrogation, l'Oli. Nous dire bien, c'est un Sahaba. Ibn Sayyad, c'était qui ça, chers frères et sœurs? Ibn Sayyad, c'est un des premiers Sahaba qui était à Madina. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui décrit ce ban Sahaba Dajjal comme a été, en description qu'il nous donnait, quand on a dit Ibn Sayyad qui trouvait. Trouve-t-il une description à l'Oli. Quelle est la description qu'il nous prend, alhamdulillah, chef Ressier, je trouve ça dans l'île. Mais seulement un jour, il ajoute une petite chose. Dans le hadith qui trouve dans le Sahih Muslim. Au fait, il y a des Sayyad, il y a des Sa'id, de ce nom, Ibn Sa'id, ou bien Ibn Sayyad, il retourne à une seule personne. C'est un jour, quand il vient avec un Sahaba, il dit comme ça. Je connais beaucoup pour mes autres guettements, autres corps, moi-même, Dajjal. Il dit. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Dajjal c'est un juif et moi un arabe. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Dajjal c'est un juif et moi un arabe. Donc, de là, Dajjal c'est quoi, cher frère et soeur? Qui n'a pas choisi un juif? Il voit un juif? Mais tout le monde apprend ça. Avec un qui va n'avoir pas de lui-même Dajjal. Et au fait, quand on peut dire la cause description qui ressort, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux donner sur mon compagnon, tu n'as ça dans lui. Mais quoi qu'il en soit, c'est un de ban caractéristiques qui nous connaît de Dajjal. Si il y a un dimoun, oui non. Il y a un dimoun, il n'y a pas une société, il n'y a pas un pays, il n'y a pas pas quoi ça. Ça dimoun a fait depuis qu'ils enfants divinis, chers frères et sœurs divines depuis ban. Depuis ban juif. Nous continuons pour nous dire, parmi ban qualité qui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui nous décrit à travers ça, alhamdulillah nous connaît. Ça c'est Dajjal, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, huwa awwalu aynuhu al-yusra. Soligé gosse, pas vous bon. Bon, je dis, il y a un dimoun comme il est léger, non? Oubliez sa perception qu'il y a un léger sur milieu. Il y en a tous les deux légers. Mais côté gauche là, pas servi. Il reste fermé. Ça, Dajjal. Mais côté droite là qui est arrivé, lui. Côté droite là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Biraynihi al-yumna zafratan ghaliza. Il peut y avoir un bout de la viande juste là-haut. Quoi nous dire la bande pour eux? Mais ce moment-là, il peut y avoir un salaud sur léger droite là-haut. Sa description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donner concernant sa personne. Et non pas qu'on nous fin dire, il faut un seul léger, oublier un seul léger frère. Il faut un déliger parce qu'il faut un insan, un dimoun, qui vous vient depuis ban juif, cher frère et soeur, sur un léger gosse, ça faut affecter. Basant le là qui est là pensé, qui il y a un seul léger. Il y en a tous les délits, mais elle n'a pas bon là-dedans. Ensuite, ta qui bon là, c'est juste sur l'igée droite, et ta l'igée droite là, chers frères et sœurs, sur là-haut, excepté qu'il ressort sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître qu'il y a un bout de la viande mort. Mais c'est quoi nous dire, ça qui nous appelle ban poro, etc., ça, il faut être avec lui. Quand nous pouvons dire, Dajjal, comment nous terminer la dernière fois, ressort sallallahu alayhi wa sallam, de nous parmi ban façon qui nous connaît, comment nous connaissons Dajjal pour arriver? Elle, ça qui nous finit cité à l'heure là, pour une 3 ans la sécheresse. Déjà, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit La yakhruju Dajjal hatta yadhalu nasu an zikrihi. Dajjal pas pour sortir aussi longtemps qu'il bandit monde, pas arrêtement chenille. Au fait, moi, nous finissons dire, si nous avons une perception qui tient dans le passé, pas à cause de Dajjal que vous l'organisez dans la scène. Vous avez déjà resté tranquille. Mais au fait, quand on reste tranquille, l'homme qui est venu faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de dire « وَحَتَّى يَتْرُكُ الْإِمَامُ ذِكْرُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ » Jusqu'à même ben imam pour arrêter de causer le minbar. Jusqu'à même ben imam pour arrêter de causer. Mais là, fais bien attention à ce dire. Un petit qui a posé question, il dit « Bon, il y a assez normal. Get là, une cause au Dajjal. » Ok, la cause dans sa session là, quand nous finissons, challenge va l'écrire, salam salam. Mais vendredi, on venait, on refaire coup de ballot d'Adjal. Mais après des mois, on revenait, on refait cause d'Adjal encore. Si tout imam, on dirait le sac, 6 mois, on dirait les gens, ils passent un coup de l'eau d'Adjal. Non, au fait, c'est pas ça qu'il est pour, au fait, de dire. Chers frères et sœurs, imagine à la fin, coup de ballot qui est arrivé. À la fin, coup de ballot, c'est deux. Combien imam, quand fait deux, dans ce deux, lui dit ça. Ou Allah protège nous contre fitna d'Adjal. Là qu'ils n'ont trouvé que les prophètes indiens. Pendez-nous le sujet. Le sujet parce que c'est un événement qui peut arriver, un seul coup de raconter, ou bien deuxième coup de résister pour récapitulation, un manquement qui est arrivé, c'est tout. Pas ça 3-4 coups pour aller comme ça. Mais ce n'est pas ça que les prophètes peut dire ici. Quand il peut dire jusqu'à qu'il même ban imam, pour qu'il décrit, pour arrêter de mentionner le mimbar, c'est cherche protection contre. Nous redire, chers frères et sœurs, quand est-ce qu'il nous désatteint un imam, cherche protection contre Fitna Dajjal dans ce khutba. Nous finissons la réponse. Quelle parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui nous fait trouver? Il y a qu'au loin? Est-ce qu'il nous fait trouver il y a qu'au loin? Alhamdulillah, l'état nous guetter, bandoura qui imam peut demander, bandoura qui nous vous bise. L'appli, ban doua qui nous vous bisait, ban di moun qui ont des difficultés, ban prière qui ont des livrés, mais seulement celle-là. Celle-là. Excepté qui, nous trouvons sa réalité qui peut passer la chair pressée, parmi ban qualité, qui, aujourd'hui, nous pouvons les vivants. Et que mon objet, j'ai dit, nous quittons là, celui qui va dire, trouver un peu direct là, sur la tête, il faut le chapeau là. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, là, yakhrujul dajjal, dajjal va vous sortir. Aussi longtemps qu'il ne se trouve ikhtilafu minan nas wal firqa, aussi longtemps qu'il ne se trouve bandimoun ikhtilaf coupé trancé, zot coupé trancé comme a dit on dit comment on se fait ici là ça qui tombe là combien famille tout le monde est comme ça, tout le monde est divergé le ban quelque chose d'ordine et tu veux comment se trouve certaines ce groupe firqa. Dans ça, l'époque-là, il se tient à la tête-là. Il veut bien causer comme ça. Là, quand nous étions dans sa masjid, là. Chers frères et sœurs, si nous disons comment dire, comment se guetter, que ça n'a plus de groupe qui s'en a là. Qu'arrive-nous? Regarde combien de monde nous était là? Combien pas d'accord avec un communier là? Nous avons des causes, bande divergence qui, au fait, acceptable d'ordine. Pas ça qui nous fait causer là. Bande divergence qui est acceptable d'ordine, mais maman pas accepté. Il divergé avec moi. C'est ça qu'il nous veut dire là. Mon père ici comprend. Mais qui fait pas? C'est pareil comme moi, toi. Et pourtant, chers frères et sœurs, imaginez-nous un Abu Bakr radiallahu anhu. Il dit un Omar radiallahu anhu. Oh Omar, wallahi, tu n'as pas venu de la terre excepté pour faire les contrées de ça qu'il m'a fait à toi. Veut dire pour un Abu Bakr qui vient causer comme ça. Donc, combien l'occasion, Omar radiallahu anhu, pas d'accord avec lui. Mais seulement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit mot, quand Omar radiallahu anhu finit récit qu'on prend, quand on peut dire, qui s'en a qui peut venir, il attrape l'ami Abu Bakr. Il dit comme ça, puis personne qui n'a pas à prendre sa place à accepter. Un dimoun qui prend non Allah pour dire moi, mot différent avec lui. Ceux qui visent mettre lui à la tête. Vous prenez lui, mon poussé? Il prend lui, il poussé, chef. Il prend lui, il poussé. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, ban divergence, c'est pas ban divergence, ça pour un an, chef frère. Ban divergence, ça pour un an, chef sœur. Pour un an. Mais seulement, qui divergence, le prophète peut dire ici, c'est divergence qui, la cause, tu pas d'accord, au moins, l'oula, nous prend lui. Tu fais id international, tu fais id national. Fini mon arrêt aujourd'hui. Oui, pas capable, tu peux gagner où? Il peut qu'il soit faisable ça. Fini, son propre frère là. Son propre frère. Ou j'ai envie d'être un seul. Vous connaissez le voile ouvert là? Vous connaissez le voile ouvert là? La cause, ça, une question de divergence, de fifre, d'andine, on n'arrête qu'aujourd'hui. Oui? Pourtant, ça n'a pas eu une tête dans mon Liverpool. Hein? Ça, vous n'avez qu'aujourd'hui? Ça, oui. Quand même, on bat 5 ans. Il comprend là, vraiment sur la tête là. Ça, il reste fait comprendre. Ça, il connaît comment accepter divergence là. Ça, il reste comprendre. Mais seulement l'audine, il n'est pas pareil au moins. Ça, on va comprendre, j'espère. Mais comment ça? Ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine. Les dièses qui te vous trouvent dans le monde, je diverge, n'est pas le compréhension d'Ina, mais je te mets en pratique dans les cours. Ça, on te fait gagner, toi. On est comme une femme qui trouve le livre, tu vas ah non, ça, c'est la même qui ne doit pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire là? La cause, une petite chose, je ne suis pas d'accord. La cause, 10 petites choses, je ne suis pas d'accord. Zamenin de temps, c'est le même idéal là. Zamenin de temps, on ne peut exister. Zamenin de temps, c'est le Coran qui tient à la poste dans le Coran. Zamenin de temps, je vous prie, maintenant, une tendance, mais pas quoi arriver. Zamenin de temps, c'est quelque chose là. Les gens nous guettent divergent, ça, quand vini, tout vient de fiqh. Tout vient là-dedans là. Tout vient de compréhension de bande savant, ça qu'ils ont fini à mener. C'est tout, cher frère. C'est tout. Parmi les bandes quelque chose qui vient, cher frère, qui fait nous connaître, et quoi nous vient dire que nous guettons premier là, Imam a récité le mimbar. Nous voyons ce qu'il en est là, 2020-2022. Non, on continue de l'aime là. Quand on veut dire nous, comme la divergence là, il vient de pratiquer les cours. On veut dire si tu n'es pas d'accord, au moins l'Oussama Salala, bon, fini, quand on est d'accord, tu fais moi connaître. Quand il était là, il est loin en nous ou bien nous les avons vivre. Troisième, c'est quand Huzaifa radiallahu anhu, il fait cause avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à lui, pour arriver à une époque, quand Bandimon vous demande quand Dajjal vous vient. Ça parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour arriver à une époque, quand Dimon vous demande quand Dajjal, quand vous venez ça. Huzaifa radiallahu anhu, pour mon papa et mon maman, ya Rasulallah. Pour mon papa et mon maman, c'est une des bonnes personnes qui bannent arabes à cette époque-là, je te préfère serment. Ya Rasulallah, il y a 10 moun pour demander quand Dajjal vini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, oui, si tant je pourrais gagner beaucoup de difficultés dans la vie. Si tant je pourrais gagner beaucoup de difficultés dans la vie. Donc demander quand Dajjal vient. Chers frères et sœurs, si nous prenons un hadith littéral, comment dire, demande quand Dajjal vient. Au fait, du monde, il peut demander quand Dajjal vient, qui fait. Parce que quand Dajjal vient, il s'allait salam, il te dit, qui vient après? Vint ça, 40 ans de paix qui la terre pour régner là. Ça qui dit mon avait redit. Qu'est-ce que tu dis ça côté là? Un jeune qui a dit, qui a dit quand Dajjal vient? Non. Dis mon avait redit ça, lui. Il connaît quand Dajjal vient. Risa alayhi salam pour venir, alhamdulillah pour tout lui. Ensuite, qui peut arriver? Risa alayhi salam pour qu'on y vive, pour qu'on la paix, l'eau, la terre, pour régner pour tout, oui, non. Si vous n'avez pas la tranquillité là. Parce que là, la côte qui était là, de sous la case, sous enfants, sous madame, sous michi, des temps qui étaient en déo, sous voisins, sous travail, dans la société, pour tout côté à l'équilibre qu'il peut trouver. Problème. Côté à l'équilibre, problème. Azan donné al mazid, problème. Oui. Problème avec qui, maman? Avec Moutawali. Problème. Et elle prend les sodines. Problème. Les hommes qui étaient 24-7 qui nous viennent. Problème. Loin ça qui nous peut dire là. Ou bien nous peut vivre là. Ou bien nous peut vivre là. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il amène sa prédiction là? Pour arriver à une époque où Dimouna vous demande quand Dajjal vous venez. Vous faites pas besoin d'Adjal là. Il veut bien quitter la tranquillité là. Mais qui fait? Tu donnes un problème. Chers frères et sœurs, pas à droite, à gauche. Qu'est-ce nous-mêmes là? Vous voyez une continuité là? Mais ça va une question que le prophète peut dire nous là. Une réalité, oui, non. Mais si nous tendions d'Adjal, il finit apparaître. Quand il veut dire apparaître, et si il veut dire, il finit sur l'eau, ça l'île qui était là. Est-ce que nous pouvons trouver votre île loin à parole là? Nous pouvons quoi nous pourrions trouver Coupe du Monde 14 là, 2022? Ça va là qui fait quoi ça, Zoé? Juste que vous pouvez croire pour qui vous faites dans l'été, dans l'hiver. Parce que vous pouvez croire dans l'été là. Je ne peux croire qu'il vous dirait vraiment les monnaies pour aller jusqu'à 3000 tout là, je. Mais pour nous, d'un côté dit, quand nous avons tout bon signe, bonne prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver ça une petite chose là, chers frères. Et pour nous terminer pour aujourd'hui, c'est un de mes croyances qui est celui qui est dans l'iman, il vit avec lui concernant Dajjal. Parce que, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dirait, quand il dit à Rajul Miché, quand il dit à Nissa Madame, quand il dit à l'Illadina Amanou, il amène tous les deux. Donc il connaît, quand il vous dit, différencier entre les deux. Quand ça, prophète-là, chers frères et sœurs, il dit, laissa min balade, paye n'a aucun balade, paye n'a aucun pays au monde. Laissa min balade. Si nous prenons juste sa phrase-là, d'un côté grammaire arabe, une phrase qui commence par une négation, li suivi de un min. Pour un celui qui connaît la langue arabe, alhamdoulilah, nous peut faire ces follow-là, il faut trouver qu'il en phase et dans la dent. Laissa min balad. Quand une phrase en arabe, il commence par négation, il est suivi de un min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, paix n'a aucun pays. Et alors, sur le continuer, qui n'est arrivé? Au fait, moi, qui peut te dire? Paix n'a aucun pays, quoi? Illa sayutawwi'uhu ad-dajjal. Excepté qu'il dajjal pour passe là-dedans. Il n'y a aucun pays. Chef, vous avez compris bien. Qui pire? Attention, nous pouvons croire qu'il va dire, il arrive au PNC, il y a le droit. Parce qu'il passe là dedans, il va se mener. Ici, là, non. Non! Il faut bien parcourir sa pays là complètement. Ça fait l'île là. Tout ça va en coin et coin là. Chers frères et sœurs, être sûr, il ne faut pas s'arranger. Nous, quand nous descendons, nous arrivons à dire, il faut passer dans tout. Parce qu'il y a l'exception. Quand il y a l'exception d'ordine, si il y a pour amener le prophète là, mais il y a de suite. Il dit, il y a Makkah ou Al-Madina. Excepté Makkah Madina. C'est tout. Excepté Makkah Madina. C'est tout. Apporte ça. Apporte ça, t'as l'air, mets une map le monde devant moi. Get dans mon droit, get Salarissila, get Canada, get Uruguay, ben l'Amérique du Sud, get l'Australie, get Salafrique, la net. Chef Recep Dajjal passe dans tout, oui non. Est-ce celui qui passe dans tout? Qui ça Dajjal? Mais c'est lui qui me crédit là, moi, et bien alors. Pas sous-estime aucun timide. Il vous passe pas dans chef. C'est ça la différence qui nous vise commence dans nos croyances changées. Parce qu'il y a des gens qui disent comme ça, télévision Dajjal. Il n'y a pas de Dajjal pour autre partout. Sur la case, il y a des télévision pour tout. C'est qu'il y a Dajjal ça. Comment qu'on a? La cause ça. La cause ça, je vais faire. Tu es parti dire Dajjal pour autre partout, mais de toute la case, c'est non. La cause ça. Mais le problème, c'est qui? Dans ma canne à télévision. C'est qui le problème là, c'est dire. De l'hôtel, ma caille dans la télévision. Mais parole professeur qui arrive à faire. Ou prend un bout de Dajjal pour rentrer partout, des bouts de crédit, excepté ma camadine, là, quand tu mettais là. Là, nous devons trouver des fossés, chers frères. Des fossés. Donc, nous reprenons-les. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam te dit, paix dans un pays, une place, un timé, excepté qui Dajjal, pour passer. Chers frères, si nous fressons, peine de l'esprit travail, nous allons vous comprendre. Mais être sûr, quand nous guettons sa map, le monde a devant nous, il faut passer qui fait, parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, ben, il y a Rasulallah, mais qui vit ici à ça? Guettons le sahaba, hein? Le fait que le prophète il dit à qui je fais, Samirna wa atana, nous entendons nous obéir. Je ne finis croire là-dedans, oui, non. Je finis à mes imams là-dedans. Croyons ça, là. Je ne sais pas comment se réfléchir des, si mes verres d'un, il fait appel là, il descend les veines. Il fait, il redescend de votre. Je vois que c'est la zone. India, il passe tout simé, il passe tout simé, oui non. Tout simé. L'autre question vient. Il y a Rasulallah, mais qui vite s'y aller. Dès là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'al raïtu istadbarahu l'ré. Comment, quand il a pris là, quand ça dit voilà, souffler. Y aller oui non. Y aller. Ou bien tu allais net log un goutte de l'eau devant ventilateur. Et ça vite ce qui s'est allé là. Ça vite ça qui doit déjà le passer. Ça vite cela. t'aller à l'inventilateur, mettre l'eau M, mettre là une goutte de l'eau là-haut. Que doit cette goutte-là? En bas ou bien loin là-bas? Ça va sur la terre. Sa comparaison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous, chers frères. Donc, juste pour moi le comprendre, alhamdoulilah, lui pour passer de tout si mais oui non. Oui, chers frères, lui passer de tout si. Pena un pays, pena un place, pena la ville, pena un village, excepté qu'il y a déjà pour passer. Il a le Makka, ou le Madina, et Inch'Allah le semaine, le continue sa route-là. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.